Entrée. Salle des professeurs. Parc à vélo. Salle multi-activité. Logement de fonction. Administration. CDI. Vie scolaire. Toiture végétalisée. Pôle d'art plastique et musique. Salle des sciences. Panneau photovoltaïque. Self. Plateau sportif. Je suis électricien et on est sur quasiment la fin. Là on attend pour avoir le courant, pour pouvoir faire nos essais, tout ça. On a déjà fait des pré-essais, mais il y a une partie qui va être prise en charge par les panneaux solaires qui sont sur les parkings abrités. Quoi. Et sinon après ce sera Enedis qui est la source principale. Quoi. Là maintenant moi j'installe une porte dans la cuisine. Et j'ai une collègue qui fait des plaintes en chêne, châtaignier, sapin, épicéa, hêtre. On décharge du bois, décharge le bardage. Ouais, c'est du bois local parce que nous ça vient de Combourg. C'est une scierie de Combourg et c'est local. Ils essaient de plus en plus de travailler avec du bois local. Je vérifie si le câblage est bon de toutes les prises informatiques. T'as une faute pour Thomas. Là, il y a une faute. Il y a trois baies informatiques. Il y en a une principale en plein milieu. Celle-là, c'est celle qui prend toute la cuisine et l'étage qui est au-dessus de la cuisine. Et il y en a une toute petite là-bas qui prend les bureaux. Là, avec un flux, en fait, il y en a un qui a l'autre extrémité. Et du coup, là, pareil, il nous dit si le câblage est bon et si... Et si le débit est bien au final. Moi je fais tout ce qui est de la clim et plomberie. Ça c'est pour la ventilation, la reprise et le soufflage. Et ça c'est l'aller et le retour pour l'eau chaude. Et je l'électricité, je passe les câbles et après il y a l'électricien qui fait le branchement électrique. Là, je passe le câble de connexion entre les machines. Ça, c'est pour les capteurs solaires. Là, c'est un système de double flux, en gros. Donc, il y a de l'air neuf qui vient de l'extérieur, qui est poussé par la machine, justement, pour souffler dans les pièces des classes. Et sinon, on a l'extraction qui aspire l'air des classes, qui rentre dans la machine pour sortir dehors. Andy, c'est la récupération de pluie, les gros bacs ouais, de... Ouais, c'est ça. C'est comme une pompe, en gros, qui pousse pour pouvoir alimenter tout ce qui est réservoir de WC. C'est un appareil neuf. C'est une sauteuse, en fait. On met l'huile dedans et après, on chauffe. On met nos paniers et ça fait des fruits. Voilà, on a fait la salle de préparation pour les entrées. Donc, voilà, on a fait ça ce matin. Maintenant, on nettoie, on remet tout à propre pour que demain, on puisse recommencer. L'année dernière, on était à l'autre collège. Moi, j'étais pas en cuisine. Là, je suis en cuisine depuis très récemment. Et sinon, avant, c'était ménage. Au niveau matériel, on est quand même beaucoup plus avantageux. Plus facile. Ouais, c'est nickel. Hein. De toute façon, ça se voit. Hein. Là, c'est automatique, la hotte, ça se gère tout seul en fonction de la vapeur qui sort, ça va calculer, ça va aspirer en fonction de la vapeur. Les cours se nettoient tout seul et il n'y a pas d'effort à faire plus que ça. Quoi. On frotte moins, on se baisse moins, c'est plus ergonomique pour tout le monde, ça facilite. Quoi. Une fois qu'on aura bien tout en main, je pense qu'on va travailler plus vite et ça va nous permettre d'être plus efficace avant et après le service. Quoi.